chante Nuzzate des Provences, des Nisamours de sa Zouvence, la traverse de la Crau, vers la mare, d'Inlibla. Hume des coulants de grand Houmer, yeu la vol et segui. Koumouer, reine que Nuzzate de la terre, une fort de la Crau se desgaire et parla. Et maille des Zouines, et maille nagues, ni diadème d'or, ni mantel de Damas, Valik en glor e fugaudad comme une reine, e caressad per nostoling mesprezad, car canteng e per vautre, o pastre et zendimas. Un amo, si un tafamo, a grazie.

Oh,